Le jour s'en allait, et l'air obscur ôtait les animaux qui sont sur terre de leur fatigue. Moi seul, je m'apprêtais à soutenir la guerre, du long parcours et de la compassion que rapportera la mémoire sans erreur. Ô muse, ô grand esprit, aidez-moi à présent, ô mémoire qui écrivit ce que j'ai vu, c'est ici que ta noblesse apparaîtra. Je commençais, poète qui me guide, vois bien si ma vertu est assez forte avant de me confier à ce voyage ardu. Tu dis que le père de Sylvius, quand il était encore dans l'état corruptible, entra dans le monde éternel avec son corps. Mais si l'adversaire de tout mal lui fut courtois, pensant à l'effet qui viendrait à travers lui, qui était grand, de grand mérite, cela ne semble pas indigne aux gens de sens, car il fut élu dans le ciel, père de la Sainte Rome et de son empire, laquelle, avec lequel, fut, à dire le vrai, choisi pour être ce lieu saint, où siège le succurseur du premier Pierre. Et par ce voyage dont tu lui fais gloire, il comprit bien des choses qui furent cause de sa victoire et du manteau papal. Et plus tard, y alla la vase d'élection pour emporter réconfort à la foi, qui est le premier pas dans la voie du salut. Mais moi, pourquoi venir? Qui le permet? Je ne suis ni aîné, ni Paul, ni moi, ni aucun autre ne m'en croit digne. Aussi, je crains, si je me résous à venir, que cette venue ne soit folle. Tu es sage, tu comprends mieux que je ne parle. Tel est celui qui ne veut plus ce qu'il voulait, changeant d'idée pour des pensées nouvelles, si bien qu'il abandonne ce qu'il a commencé. Tel je devins sur cette pente obscure, car en pensant que je consumais toute l'entreprise qui fut si rude en son commencement, si j'ai bien compris ta parole, répondit l'ombre du magnanime, ton âme est accablée de lâcheté, laquelle encombre l'homme bien souvent, et le détourne d'une noble entreprise, comme fausse vision à bête qui sombrage. Je te dirai, pour t'ôter cette crainte, pourquoi je vins et ce que j'entendis dans le premier moment où je souffris pour toi. J'étais parmi ceux qui sont en suspens, quand une dame, heureuse et belle, m'appela, telle que je la priais de me commander. Ses yeux brillaient plus que l'étoile, et elle me parla, douce et calme, d'une voix d'ange en son langage. Ô âme courtoise de Mantoue, dont la gloire dure assez dans le monde et durera autant que le monde. Mon ami vrai, et non ami de la fortune, est empêché si fort sur la plage déserte que la peur le fait s'en retourner. Et je crains qu'il ne soit déjà si égaré que je me sois levé trop tard à son secours pour ce que j'entendis de lui au ciel. Va donc, et aide-le si bien par ta parole ornée et ce qui peut servir à son salut, que j'en sois consolé. Je suis Béatrice qui te prie d'aller. Je viens du lieu où j'ai désir de retourner. Amour m'envoie qui me fait parler. Quand je serai auprès de mon Seigneur, je lui ferai souvent ta louange. Elle se tut alors et je repris. Quand je serai auprès de mon Seigneur, je lui ferai souvent ta louange. Elle se tut alors et je repris. Ô dame de vertu, vertu qui permet seule que l'espèce humaine dépasse tout ce qui est sous le ciel, qui a les cercles les plus petits, tout ton commandement m'agrée si fort qui obéir même aussitôt me semble tard. Il ne sert plus que tu m'expliques ton désir, mais dis-moi la raison qui t'enlève la peur de descendre ici en ce centre du vaste lieu où tu désires t'en retourner. Puisque tu veux savoir un tel secret, je te dirai brièvement, répondit-elle, pourquoi je n'ai pas craint de venir par ici. Il faut craindre seulement ces choses qui ont un pouvoir de faire mal à autrui. Les autres non, car elles ne sont pas redoutables. Je suis faite par Dieu, et par sa grâce, telle que votre misère ne peut me toucher, et que la flamme de cet incendie ne m'atteint pas. Noble dame, est au ciel qui a pitié de la détresse où je t'envoie, si bien qu'elle brise la dure loi d'en haut. Or, cette dame, appelée Lucie, et lui a dit Or, cette dame a appelé Lucie et lui a dit « Ton fidèle a maintenant besoin de toi, et moi, à toi je le recommande. » Lucie, ennemie de toute cruauté, se mit en chemin et vint là où j'étais assise auprès de l'antique Rachel. Et dit « Béatrice, louange de Dieu vrai, pourquoi n'aides-tu pas celui qui t'aima tant que pour toi il sortit de la horde vulgaire ? N'entends-tu pas la pitié de ses pleurs ? Ne vois-tu pas la mort qui le menace sur le grand fleuve où la mer ne vient pas ? Personne jamais ne fut plus prompte à faire son bien et à fuir son dommage que je ne fus à ces paroles dites, à venir ici-bas de mon siège d'élu, confiant dans ton parler honnête qui t'honore toi-même et ceux qui l'entendent. Après qu'elle eut parlé ainsi, elle tourna en pleurant vers moi ses yeux brillants, me faisant par là plus rapide à venir. Et je vins à toi comme elle voulut. Je t'ôtai de devant cette bête qui t'a privé du court chemin vers la belle montagne. Allons, qu'as-tu ? Pourquoi t'attardes-tu ? Pourquoi accueilles-tu lâcheté dans ton cœur ? Pourquoi es-tu sans courage et sans tranquillité ? Puisque les trois dames bénies ont souci de toi dans la cour du ciel, et que m'en parler te promet tant de bien, comme fleurette inclinée et fermée par la gelée nocturne, quand le soleil l'éclaire se redresse épanoui sur sa tige, telle j'émergerai de ma vertu lassée, et tant de bon courage ressurgit dans mon cœur que je commençais en homme libre. Ô Clémente, celle qui m'a secouru. Et toi, courtois qui obéis si vite aux paroles vraies qu'elle t'adressa. Tu as si bien, par ton discours, disposé mon cœur au désir d'aller, que je suis revenu à mon premier dessein. Va donc, car nous avons tous deux un seul vouloir. Toi, mon guide, mon seigneur et mon maître, je lui parlai ainsi, et quand il s'ébranla, j'entrai dans le chemin dur et sauvage.